a disparu Jean Mermoz? En quel océan il repose? On n'a pas retrouvé l'endroit. Coupons le moteur arrière droit. Fut en morse le dernier message que l'on reçut de l'équipage. Et après quoi, la croix du sud, perdit à jamais l'altitude. Trois mois plus tôt, c'est le bateau de Jean Charcot qui coula près de Reykjavik. Après être allé en Arctique pour aider Paul Émile Victor qui étudiait au pôle Nord. On ne saura pas le pourquoi du naufrage, du pourquoi pas. Du petit prince.